premier temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de l'Algérie. Ce matin, avec Hélène Blé, professeure d'histoire à l'École normale supérieure. Demain, mardi, nous vous parlerons d'une histoire en train de se faire à propos de l'Algérie, celle de la décennie noire, la guerre civile algérienne. Mercredi, nous nous intéresserons aux dernières lectures de la guerre d'Algérie et jeudi, notre documentaire portera sur le film La bataille d'Alger de Gilles Pontecorvo. Ce matin, nous avons le grand plaisir de recevoir l'historienne Hélène Blé, historienne de la mise en carte de l'Algérie au XIXe siècle, auteur de Mirage de la carte, l'invention de l'Algérie coloniale chez Fayard. C'était il y a 5 ans. Bref, nous allons ce matin parler des dates et du territoire. Cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tous ceux qui me sont très chers. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Un extrait du titre de Slimane Azem, Algérie, mon beau pays, pour ouvrir notre série d'émissions. Donc, avec vous, Hélène Blé, bonjour. Bonjour Emmanuel Laurentin. Vous êtes professeur d'histoire à l'École normale supérieure. Vous êtes auteur de Mirage de la carte, l'invention de l'Algérie coloniale, dans la très bonne collection L'épreuve de l'histoire chez Fayard. Et ce que nous allons raconter aujourd'hui n'est pas très éloigné d'une manifestation que vous organisez à l'École normale supérieure cette semaine autour de l'enquête avec des historiennes et des historiens, puisque c'est une sorte d'enquête qu'ont mené ceux qui se sont projetés de l'autre côté de la Méditerranée à partir de 1830 dans un pays qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils connaissaient peu et qu'il a fallu découvrir au point de vue géographique, culturel, humain, historique, enfin toutes les possibilités de découvrir un pays que l'on va coloniser petit à petit, Hélène Blé. Oui, tout à fait. Donc le projet de cette enquête-là, c'était de jeter un regard un peu de biais sur l'histoire de la conquête puis de la colonisation de l'Algérie à partir des cartes qui ont été dressées principalement par les militaires tout au long du 19e siècle et qui sont des matériaux à la fois outils d'empire mais qui confortent aussi l'assise et la domination domination coloniale très rapidement. Alors il faut tout de suite dire que travailler sur ce moment colonial de l'Algérie dans les années 1830-1900, c'est assez complexe parce que on est piégé d'une certaine façon en tant qu'historienne ou en tant qu'historien entre deux regards. Il n'y a pas d'Algérie avant, ou au contraire, l'Algérie existe de tout temps, et il faut travailler entre ces deux écueils, des écueils qui sont complexes, puisque, en gros, les colonisateurs ont expliqué qu'ils arrivaient dans un territoire quasiment vierge, qui n'était pas un État, qui n'était pas gouverné, etc. Et les indépendantistes et ceux qui ont obtenu l'indépendance à partir de 1962 ont dit qu'au contraire, il y avait de toute éternité une identité algérienne, ce qui est complexe parce que quand on est historien, historienne, il faut se mouvoir entre ces deux écueils. Oui, exactement. Donc c'est le souci de tout historien qui travaille sur l'Algérie dite coloniale, c'est-à-dire sur le moment colonial de l'Algérie, c'est de combattre ce mythe de la terra nullius, hein, qui est un des grands arguments récurrents des colonisateurs, pas seulement en Algérie d'ailleurs, visant à justifier une emprise coloniale par le fait qu'il n'y aurait rien eu. Sur l'Algérie, c'était qu'il n'y avait pas d'État, pas d'État centralisé. On pourra revenir sur la question de l'héritage ottoman, hein, de ce moment 1830, et c'est aussi comprendre, et c'est pour ça que les cartes me semblaient une bonne entrée, que l'Algérie, mais comme toutes les nations, hein, est aussi une construction, que le territoire n'est jamais une donnée, mais quelque chose qui s'élabore, qui s'invente, et c'est en revenant sur les modalités précises de cette construction qu'on peut peut-être dépasser cet antagonisme entre deux visions du passé. Alors, il y a une sorte de flou territorial, expliquez-vous dans Mirage de la carte, quand on se trouve au début des années 1830. D'ailleurs, l'Algérie ne s'appelle pas encore l'Algérie, du moins aux yeux des Occidentaux qui arrivent dans ce territoire-là, des Français. On appelle ça les possessions du nord de l'Afrique, par exemple, au tout début des années 1830. Et ça, il faudra attendre les années 1840 pour voir naître justement cette idée que ce que l'on est en train de conquérir très difficilement avec beaucoup de résistance de la part des habitants qui vous font la guerre perpétuellement quand on est un Français, eh bien ça s'appellera l'Algérie. Oui, alors la question du nom est centrale, hein. Il faut bien sûr rappeler que le terme d'Algérie existait, hein. On le trouve chez Ibn Khaldoun, par exemple, dès la fin du XIVe siècle, l'expression de Bilal al-Jazair, le pays d'Alger. On trouve dans des textes érudits arabes depuis le XVIIe siècle l'expression de Watan al-Jazair, donc ce qu'on pourrait traduire par la nation algérienne. Dans les textes français du XVIIIe siècle, il y a aussi cette occurrence, mais et ce qu'il faut bien voir, c'est que le terme ne renvoie pas là à la nation dans le sens où on peut l'entendre au XIXe siècle, au moment de la construction des États-nations. Et Mohamed Harbi le rappelait lui-même, c'est fort justement, hein, c'est une idée qui existe mais qui renvoie à une communauté de lettrés et pas nécessairement un sentiment d'appartenance. Alors, cela explique que les Français vont hésiter aussi sur le nom de ce territoire conquis pendant les 10 premières années de la conquête. Et ils vont hésiter aussi sur le nom des endroits qu'ils vont trouver sur place, les villes qui existent, les villages qui existent, les oueds, les montagnes. Enfin, il va falloir trouver une sorte d'entre-deux entre la manière dont les populations appellent le territoire ou les lieux du territoire et ce que l'on va ensuite appeler les villes, les villages d'Algérie colonisés. Oui, alors l'entrée par les cartes permet de revenir sur toute cette question de la toponymie et de l'entreprise toponymique en situation coloniale, hein, qui est moins l'idée de trouver un entre-deux que un bricolage permanent qui aboutit quand même très généralement à la perte des noms anciens, leur effacement, hein. On le voit par exemple sur le premier plan d'Alger qui est publié par le dépôt de la guerre qui était l'organisme qui faisait les cartes pour la France en 1832, où le commandant qui dirige la brigade topographique va renommer toutes les rues de la Casbah. Alors en donnant des noms de grands voyageurs, d'animaux, rue de la girafe, qui évoquent en fait un imaginaire de l'Afrique hein, qu'on a en Europe à ce moment-là. Et donc là, on a une entreprise hein, de dépossession qui passe bien sûr par le baptême, par le baptême en français, et qui aura des conséquences, on le sait, bien au-delà de 62. Alors, il y a tout de même des noms dont on ne peut pas se passer quand on arrive dans un territoire que l'on ne connaît pas. Sont les noms des qualificatifs géographiques. Par exemple, l'ergue, ben, ça va s'appeler l'ergue jusqu'à la fin de l'Algérie coloniale, alors que c'est un nom donné par les habitants du territoire avant que vous arriviez. Il y aura plusieurs noms comme ça qui ne correspondent pas à la géographie connue, du moins, des colonisateurs et des Européens, et qu'il va falloir donc bricoler, adapter, récupérer pour pouvoir nommer le territoire. Ah oui, tout à fait. Donc l'une des questions qui se pose aux topographes hein, qui arpentent l'Algérie et qui tentent de mettre sur le papier les formes de relief et les paysages qu'ils rencontrent, c'est justement d'être le plus adéquat possible, ce qui leur est complètement inaccessible avec les normes cartographiques que l'on a alors en Europe. Donc ils vont s'inspirer, c'est assez intéressant du point de vue des circulations impériales, de ce qui a été fait en Égypte par les Français, là avec encore, l'expédition d'Égypte. Avec l'expédition d'Égypte, puisque c'est la première grande carte topographique de l'époque contemporaine qui est dressée sur un territoire lointain, et que Jacotin, qui dresse cette carte de l'Égypte, hein, est le premier à se poser la question de l'adéquation des normes dites universelles à d'autres paysages. Ouais, par exemple, effectivement, comment représenter le sable, le Sahara? Donc on va faire les trois petits points ou plusieurs petits points pour représenter les grains de sable qui seraient une sorte d'évocation de ce territoire là où comment représenter la mosquée ou le tombeau du marabout. Voilà, alors c'est toute une réflexion sémiotique aussi qui s'engage hein, sur la carte par les acteurs de terrain qui ne connaissent pas grand-chose et qui n'identifient pas forcément dans le paysage toutes les différences que les populations qui vivent sur place sont habituées à établir. En fait, très rapidement, il y a un marabout pour tout ce qui ressemble à un bâtiment religieux qui va avoir sa norme topographique, mais qui, lorsqu'on utilise la carte et qu'on avance sur le terrain, ne permet pas forcément d'identifier différents lieux de culte qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors ça, c'est donc ce regard un peu flottant, pourrait-on dire, de ceux qui arrivent en conquérant ce territoire. On est, il faut le rappeler, très proche de l'épopée napoléonienne, on est très proche de la Révolution française, tout compte fait. Vous parliez de l'expédition d'Égypte, c'est la fin du 18e siècle et on se trouve là en 1830, donc à portée d'une génération de ceux qui ont pu d'ailleurs connaître l'épopée napoléonienne et qui se retrouvent recyclés dans cette épopée coloniale du tout début de l'Algérie. Et puis, on est tout près aussi d'une autre expédition qu'on a oubliée, que vous rappelez dans votre travail, c'est le moment des Philhellènes, décrit par Hervé Mazurel dans son très beau travail sur le philhellénisme et l'indépendance de la Grèce. Et en 1828, il y a une expédition en Morée, donc dans le Péloponnèse grec, par des Français qui vont se retrouver dès 1835 sur place en Algérie et qui vont appliquer des méthodes qui ont été déjà appliquées dans ce territoire grec. Oui, tout à fait. Hein. Et l'expédition grecque, elle est aussi caractérisée par l'idée de faire une carte de la Morée. Ce sont les mêmes hommes qui circulent hein, d'un territoire à l'autre et qui vont essayer de trouver des ressemblances dans les paysages méditerranéens. Alors, ça peut fonctionner pour l'Algérie tellienne, mais très vite, ils sont. Ce que vous appelez l'Algérie tellienne, c'est la bande de plaine puis de haut plateau qui va jusqu'à l'Atlas et qui va être la zone colonisée en premier et qui correspond aussi à la zone qui était réellement qui correspondait peu ou prou à ce qu'on appelait la régence ottomane d'Alger. Et donc cet exemple de la morée grecque donc est transposé, on va prendre les mêmes codes, on va prendre les mêmes personnes parfois qui vont avoir fait une expédition en morée grecque et qui ensuite vont dans les valises des soldats qui arrivent en Algérie participer aux expéditions algériennes. Oui, alors il y a aussi en Algérie des soldats qui n'ont jamais mis les pieds hors de France et qui ont, notamment parmi les topographes, participé à la grande carte d'état-major qui est en train d'être dressée en même temps sur le territoire français. Parce qu'il faut rappeler effectivement que nous sommes dans ce moment, là aussi très proche, de naissance de la carte d'état-major qui vient donc d'être reprise depuis l'entreprise privée des Cassini qui existait à la fin du XVIIIe siècle et que cette carte d'état-major est en train d'être établie. Là aussi, on établit des manières de faire, des manières de représenter le territoire qui vont s'appliquer directement ou quasi directement à ce nouveau territoire conquis qu'est l'Algérie. Oui, parce que l'idée, après la Révolution, elle est défendue par Napoléon, mais tous les gouvernants vont la reprendre, est que pour bien gouverner, il faut avoir de bonnes cartes. On verra que dans l'histoire, ça n'est pas toujours aussi systématique que cela, mais c'est cette logique qui guide la carte de l'Algérie et les investissements qui sont faits aussi dans cette entreprise qui parfois semble un peu dérisoire ou infini ou peu adapté en fait au gouvernement colonial. On va revenir avec vous sur ce point, Hélène Blais, mais il faut tout de suite dire que l'entreprise coloniale n'est pas une entreprise décrétée de départ avec une sorte de mise en marche très systématique du travail des uns et des autres, mais que c'est un bricolage colonial. Expliquez-vous que on ne sait d'ailleurs pas au départ si on va s'installer durablement sur ce territoire qu'on vient tout juste de conquérir en 1830. On va se retrouver face à des oppositions très fortes, dont celle d'Abdelkader, et des résistances très fortes, et que, au bout du compte, on va adapter des situations et qu'il va y avoir des conflits à l'intérieur même de ceux qui sont sur place pour savoir ce qu'il faut faire, en particulier des cartographes, conflits entre gens du génie, gens du service cartographique, qui ne sont pas forcément d'accord tous sur la manière de faire. Alors, ils ne sont pas d'accord sur la manière de faire et puis ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il faudrait conquérir si tant est qu'il faille coloniser. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant dans l'histoire de la conquête de l'Algérie, c'est qu'il y a d'emblée des débats, alors qui sont tout à fait liés aux résistances, et notamment à la résistance d'Abdelkader pendant une dizaine d'années, qui contrôle en fait la majorité du territoire. Et donc, les Français envisagent une colonisation dite parfois restreinte des poches, des villes littorales, ne sachant pas très bien déjà à quel territoire ils ont affaire et jusqu'où va la domination possible. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. الابساط ارض السهل والحراير والقواطنه اما كلامي ما فيه طفراط اللي يسمعي باطفاطنه راني عليك يا رقيق تنب يا اللي حزاها يا مكواطنه ما طلت من شغيرة دفع الريزي دنصر نجيبو تركتورة يوم حقها نجيبو تركتورة غيرة تفاحة يا قدورة غيرة تفاحة يا قدورة ايوا بحقها نديرو تركتورة يوم حقها نجيبو تركتورة يا نشوفو نكبر ونروحو لبلاد الأحرار نعيشو في بلاد الأحرار يا راجل لم الباجاج ولا الطيارة بينا فرصة Carte de résidence, un titre interprété ici par Fatima Souk Alassia. Nous sommes dans la première émission d'une série de 4 émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'invention, à la naissance de l'Algérie. Et nous sommes avec Hélène Blé, donc autour de l'invention de l'Algérie coloniale, telle qu'elle l'a décrit dans son livre Mirage de la carte chez Fayard. Alors, cette émission s'intitule « Les dates et le territoire ». On a parlé du territoire, on va y revenir tout à l'heure, mais les dates, c'est important aussi. Hélène Blé, en particulier cette date de 1830, on sait que nous sommes à la toute fin de ce qu'on appelle en France la Restauration, que celui qui va devoir assumer ce début de conquête, c'est Louis-Philippe, donc après la Révolution de 1830, et que on va immédiatement tenter d'oublier la période ottomane, que l'on vient de rayer d'un trait de plume, en disant qu'il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de gestion de ce territoire auparavant, avant l'arrivée des Français. Et pourtant, on va reprendre certaines des typologies, justement, de cette régence ottomane d'Alger. Oui, alors, juste pour rappeler quand même que si, évidemment, il y avait, il y avait quelque chose d'Alger, et notamment un État hein, qu'on appelle la Régence d'Alger, qui est une province relativement autonome de Constantinople, organisée avec 3 béliques, 3 régions en fait, une à l'ouest, une au centre et une autour à l'est, d'Oran, une autour de Constantine. Et, la troisième, c'est le Titeri. Voilà, c'est le Titeri, tout à fait, qui en fait, sous l'autorité du Dey d'Alger, qui lui-même administre directement la région d'Alger, son immédiate arrière-pays, ce qu'on appelle Dar es Sultan. Donc il y a un système très organisé, qui fonctionne sur le mode tributaire, c'est-à-dire avec le relevé de l'impôt hein, pour s'assurer la soumission des populations. Et donc c'est au moment de la reddition du Dey d'Alger, le 5 juillet 1830, que c'est de ce moment que l'historiographie va dater le début de la conquête de l'Algérie. Alors, ça c'est très compliqué. Et ce moment 1830, hein, il a été beaucoup repensé parce que cette idée de rupture, elle est à nuancer sur plein de points. Hein. Jocelyne Dacquia disait très bien que on le présente comme le début d'une confrontation soudaine avec l'Europe, mais qu'on pourrait aussi le lire comme la fin d'une histoire commune, certes conflictuelle, mais d'une longue histoire commune en Méditerranée, tout à fait. Effectivement, et qui a travaillé à la fois sur la langue, la lingua franca, qui était pratiquée dans l'ensemble de cette Méditerranée dans ces siècles qui précèdent la conquête de l'Algérie, eh bien, elle sait très bien effectivement qu'il y avait des échanges, qu'ils étaient effectivement conflictuels, mais qu'ils étaient nombreux aussi, et que ça n'était pas aussi séparé qu'on ne veut le dire, et qu'il n'y avait pas de séparation complète entre ces pays du nord de la Méditerranée et cette région de l'Algérie. Donc il y a ce moment en 1830 que l'on relie de façon différente, et puis il y a surtout des sursauts, des volontés de ne pas se laisser conquérir, il y a l'émir Abdelkader, il y a des traités qui ne sont pas respectés, etc. etc. Oui, alors on peut rappeler quand même très rapidement ces traités. Hein. La guerre commence dès que les Français débarquent avec leur corps expéditionnaire. En 1834, il y a un premier traité dit de paix, hein, le traité des Michel, qui reconnaît la souveraineté de tout l'Ouest algérien à Abdelkader. Donc la France, à ce moment-là, hein, ne s'assure que la domination d'Alger et de quelques villes du littoral. Et d'ailleurs, pendant cette première décennie, pour aller d'une ville de littoral à l'autre, les Français prennent le bateau, puisqu'ils ne sont pas en mesure hein, de traverser le territoire qu'ils ne maîtrisent pas. En 1837, il y a un autre traité très connu, le traité de la Tafna, qui accorde à l'émir Abdelkader les deux tiers du territoire du Tell, hein, donc un territoire beaucoup plus vaste que celui que les Français maîtrise à ce moment-là. La Kabylie, notamment, est loin d'être soumise et on a toute une série de poches de résistance. Alors, à partir de 1840 et l'arrivée de Bugeaud, la guerre, la violence de la guerre va s'accentuer les soumissions. Parce qu'il va rompre le traité de la Tafna, justement. Et les traités ont été régulièrement rompus par les Français, maintenant donc un état de guerre de conquête permanent. Et puis, évidemment, l'ennemi Abdelkader Kader se rend en 1847, mais la Kabylie, par exemple, va se soulever de façon très régulière et continuellement contre cette colonisation en cours des Français, jusqu'aux années 1870-1880. Oui, 71, avec une nouvelle grande révolte qui oblige d'ailleurs aussi à repenser les chronologies des moments de l'histoire de l'Algérie coloniale, qu'on a souvent calé sur l'histoire de France et qui, si on les lit à l'aune justement des résistances à la conquête, peuvent impliquer d'autres chronologies. Voilà, tout à fait. D'autres découpages chronologiques. Bon, un découpage chronologique qui est toujours ennuyeux, c'est que c'est après 1848, donc après la révolution de 48, moment éminemment démocratique, que l'on va mettre en place une politique de colonisation de plus en plus intensive et de plus en plus officielle dans cette Algérie coloniale. Et d'ailleurs, la Troisième République ne va pas manquer elle-même de relancer cette politique à partir de son instauration. Ce qui est extrêmement intéressant et ce qui compte beaucoup dans notre discussion avec vous, Hélène Blay, c'est de dire qu'il y a d'abord une prédominance du militaire et puis progressivement une prise en main du civil au fur et à mesure que cette colonisation se développe dans ce territoire algérien dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais que la prédominance du territoire, du militaire sur ce territoire a quelque chose à voir avec la façon dont on va le cartographier, le définir, le nommer, comme on l'a dit depuis le début de cette émission, Hélène Blay. Oui, alors, en effet, les gouverneurs de l'Algérie sont tous des militaires jusqu'au début des années 1880. Et le régime principal qui domine est un régime militaire, où le pouvoir s'organise en fonction des contraintes dictées par les militaires qui sont en campagne. Alors, petit à petit, le territoire va être découpé, démembré, entre un territoire dit civil et un territoire dit militaire. Dans les années 70, ces territoires militaires sont dits territoires arabes. On pourra revenir là-dessus, mais c'est intéressant aussi. Donc, un territoire qui est en fait formé d'enclaves où les populations sont soumises à des juridictions différentes et à des droits différents. Ça veut dire que dans un même territoire, il y a deux normes particulières, l'une qui s'applique à ces territoires civils et l'autre qui s'applique à ces territoires dits militaires. Oui, alors c'est même plus compliqué parce qu'il y a des territoires dits mixtes, mais ouais. On est dans ce qui caractérise en fait le gouvernement colonial dans d'autres situations aussi, un feuilletage des souverainetés qui permet d'afficher un gouvernement uni tout en ayant vis-à-vis des populations des modes de gouvernement tout à fait distincts. Alors on disait tout à l'heure que ces soldats qui arrivent pour une aventure dont on ne sait pas si elle va durer dans ce territoire algérien en 1830, connaissaient pas ce territoire qu'ils allaient ensuite conquérir. Néanmoins, ils partent avec un petit vademécum qui s'appelle l'aperçu historique, statistique et topographique sur l'état d'Alger, qui a été publié justement en 1830 et qui sert à l'armée expéditionnaire d'Afrique. Ça fait 237 pages pour pouvoir essayer de comprendre le territoire. Donc, évidemment, tout ça est nourri de récits de captifs anciens, de récits de voyageurs du 18e et du tout début du 19e siècle, mélangé avec une vision de Ptolémée, des cartographies qui remontent à l'Antiquité. Et on définit, avant même d'avoir mis le pied sur le territoire, qu'il y a six races qui, par exemple, participent à ce pays. Il y a les Kabyles, les Maures, les Arabes, les Juifs, les Turcs et les Renégats. Et cela, il faudra un certain temps, d'ailleurs, est-ce que ça n'a pas duré très très très longtemps, justement, pour pouvoir remettre en cause cette idée qui précède même la conquête de ce territoire, Hélène Blay. Oui, alors beaucoup d'idées hein, précèdent la conquête et cette façon de catégoriser des populations à partir effectivement de récits de voyage, de reconstitutions pseudo-historiques du XVIIIe siècle qui ne sont souvent fondées sur qui ne sont fondées que sur des textes très très anciens. Oui, on va chercher quand même la géographie des anciens. On va chercher Ptolémée, hein, notamment. Mmh. On va chercher alors un tout petit peu les géographes arabes, mais de manière très parcimonieuse et avec méfiance. Avec méfiance. Hein, alors qu'il y a quand même une très grande géographie arabe, en particulier du Moyen-Âge, ce qui correspond à notre Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Et ça va être un peu balayé. On va s'en servir, mais on va s'en servir. Ça va être un peu balayé, c'est méconnu. Et en même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une géographie qui n'est pas à l'échelle de celle de l'État major en fait, donc qui n'est pas une géographie faite pour la conquête, donc qui n'avait pas d'utilité pratique immédiate pour les militaires. Donc il y a une dimension idéologique dans l'effacement, mais aussi une dimension pratique, parce que ces géographies, pas plus que Ptolémée hein, d'ailleurs, ne permettent à la troupe d'avancer sur le territoire. Bien sûr, mais on pense déjà quand même que, comme on le dit souvent, que le passé peut fournir des indications pratiques au présent. C'est ce que dit Adrien Berger Bruger, qui est le fondateur de la bibliothèque Musée d'Alger et de la Revue africaine. Donc, tout de même, il faut aller plonger le plus loin possible dans cette histoire pour pouvoir mieux comprendre le territoire sur lequel on va s'installer. Oui, alors là, vous faites référence à quelque chose qui est très important dans l'idéologie militaire de la conquête, qui est la référence au passé romain aussi, hein, qui va être quelque chose qui revient constamment. Tout simplement parce que évoquer le passé romain, c'est se grandir et se donner la preuve que c'est possible d'asseoir un empire sur cette partie du monde. Et au niveau cartographique, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les topographes vont très très vite dans leurs enquêtes de terrain, hein, être obsédés par l'identification de ce qu'ils appellent les ruines romaines. Et on marquera ça RR. Voilà, et donc les cartes de l'Algérie jusqu'aux années 1880 sont envahies de ces RR comme marqueurs dans le paysage, hein, et qui donnent à voir en fait une Algérie qui serait entièrement celle des ruines romaines. Et avec effectivement l'invention de cette Kabylie ou de ces Kabyles qui seraient pour certains des descendants directs, enfin la plupart d'entre eux, des descendants directs des Romains et donc qui n'auraient pas grand-chose à voir avec les Arabes qui ont conquis le territoire plus tard, par exemple. Alors oui, sur la dichotomie qui est figée et mise en avant par les Français entre les Kabyles et les Arabes, hein, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, qui ont été faites. On les retrouve dans les pratiques cartographiques et géographiques, bien sûr. Et c'est quelque chose, comme vous le disiez tout à l'heure, qui va marquer bien au-delà de la période coloniale, hein, qui renvoie au vieux principe du diviser pour mieux régner, hein, et qui va être quelque chose de très structurant dans la manière de concevoir le territoire algérien et sa pluralité. En fait. Alors, pendant qu'en France, on est en train d'essayer de mettre en carte les traditions disparues de l'Ancien Régime, par exemple, les langues disparues ou les anciennes traditions, et on est souvent en train de les réinventer, d'ailleurs, avec tous les collecteurs qui parcourent la France dans ces années du 19e siècle, eh bien, on va faire la même chose en Algérie, mais avec une connaissance bien moindre, et on va essayer de définir quelles sont les tribus, quelles sont les langues, quelles sont les pratiques culturelles, et de les coller sur une carte, parce que ça ne s'agit pas simplement de définir quelle est la tribu et la tribu voisine, mais de se dire quel est son territoire, et là il va falloir entrer plus profondément dans la connaissance de ce territoire, Hélène Blais. Oui, alors tout à fait. Il y a une carte qui est assez extraordinaire, qui est difficile à évoquer à la radio, mais qu'on peut voir sur Gallica facilement, qui est la carte de Carette, publiée en 1844, et qui est dite carte de l'Algérie par tribu. Et Carette est un des membres de la mission scientifique qui travaille en Algérie. Ernest Carette. Il travaille avec un colon médecin installé sur place qui s'appelle Auguste Varnier, qui est saint-simonien, donc ça renvoie aussi à toute cette emprise prise hein, des Saint-Simoniens sur... Sur les pays du monde arabe. Sur les pays du monde arabe et en Algérie, sur la manière de concevoir aussi ces populations et leur union éventuelle avec les Européens. Et donc, Caret et Varnier publient une carte des tribus en 1844, qui est un document illisible, en fait, puisqu'ils ont mis en carte, amassé des noms de tribus, pour la partie tellienne à nouveau, le tel hein, de l'Algérie, en essayant de donner à voir les enchevêtrements de territoire de ces tribus. Donc c'est une carte des populations, comme on n'en a jamais vu d'autres jusqu'ici, qui dit bien à la fois cette volonté de connaître, de lister, de mettre en carte et de faire correspondre à des territoires, et en même temps l'impossibilité que cela représente. Et puis c'est d'autant plus étonnant que pendant qu'on est en train d'essayer de désenchevêtrer ces populations en tentant de les lister, eh bien on enchevêtre soi-même le territoire, puisqu'on est en train de créer des zones civiles, des zones militaires, des zones mixtes, et que ça rend encore plus illisible, pourrait-on dire, le territoire. Bien sûr, alors ça c'est pour les années 1840. Assez rapidement, il y a quand même des opérations plus radicales, hein, je pense notamment au Senatus Consul de 1860. Sous le Second Empire, qui va, alors là encore, inventer une nouvelle circonscription administrative, les douars, alors reprenant un terme arabe, hein, mais les douars, des douars communes de 63 sont autre chose, et qui est une loi qui dit finalement, il faut en finir avec cet enchevêtrement, on n'y comprend rien, on va faire des communes de 3000 personnes, et chaque douar devra correspondre à cette capacité, à cette contenance, avec quelque chose qui est très important aussi, c'est de dire que les douars communes devront prendre leur nom dans les caractéristiques physique du territoire et non plus, comme c'était le cas pour les tribus, dans la généalogie, ce qui est évidemment très... Ce qui renvoie à la Révolution française et à l'idée que les séparations administratives de la Révolution française, les départements ne prendraient leur source que, si je puis dire, que dans les fleuves ou dans les caractéristiques des montagnes en question. Tout à fait. Hein. Et il y a aussi une tentative de départementalisation de l'Algérie dès 1848, hein, avec ce terme de département qui est érigé en étendard. En fait, les départements algériens n'ont rien à voir avec les départements de la France post-révolutionnaire, mais l'idée est la même, hein, ordonner, quadriller le territoire pour savoir où l'on est. Oui, avec en particulier cette idée que, si on veut faire de la Méditerranée un lac français, comme certains le désirent, eh bien, il faut que de l'autre côté de la Méditerranée, comme la Corse, dit-on, eh bien, il y ait un territoire qui soit compatible géographiquement ou moins administrativement parlant, même si la réalité de cette administration est très différente, et ça serait l'Algérie, Hélène Blay. Oui, c'est ça, hein, et ça va être ce vers quoi tend le régime d'administration civile qui est mis en place de plus en plus vigoureusement sous la Troisième République. L'idée étant d'avoir les mêmes institutions, les mêmes circonscriptions administratives, mais évidemment, c'est faire sans, comme si les Algériens n'existaient pas, puisque ils ne sont pas du tout prévus hein, dans cette conception très normée du territoire. Alors tout de même, il y a un petit problème qui va se poser assez rapidement, c'est d'abord de délimiter les voisins. Il y a le Maroc à l'ouest et la Tunisie à l'est. Il va falloir dire où s'arrête cette Algérie qu'on est en train de conquérir. Alors ça c'est relativement simple, on va aller chercher dans les grands anciens et on va se dire tel oued correspond à telle description de Ptolémée et ça va faire la frontière avec le territoire voisin. Alors dès qu'on descend au sud, dès qu'on sort du Tell, dès qu'on sort en fait de cette régence ottomane qui était si bien gouvernée avant les Français alors qu'on disait qu'elle ne l'était pas, ça devient plus compliqué. Oui, alors ça c'est une autre histoire, hein, mais elle va avec celle de la délimitation des frontières. Alors il y avait des frontières entre la régence d'Ottomane, le royaume du Maroc et la régence de Tunis. Mais la frontière ligne, celle qui est pensée en Europe depuis déjà longtemps comme ceci, elle va être imposée par la colonisation et elle va être retracée et surtout marquée sur le territoire elle-même dès les premières décennies finit la conquête. Et donc, quand on va commencer à descendre vers le sud, comment ça se passait? Parce que... Alors, c'est très intéressant. Hein. C'est, donc, les Français arrivent avec cette idée qu'il faut tracer une frontière ligne. Et puis, très vite, ils s'aperçoivent que dans le désert, ça n'a pas de sens. Le terme qui revient souvent dans les sources cartographiques, c'est que ça serait superflu d'essayer de tracer une frontière à cet endroit-là. Alors, voici un personnage qui nous dit comme cela. Il s'appelle Eugène Daumas. Il est officier arabophone en 1860. Et il dit, la règle, là où s'arrêtaient les pérégrinations hivernales des Arabes nomades, des pays barbaresques et des Berbères voilés, c'est l'endroit où on va aller jusqu'au bout, où on va aller jusque-là, parce que ça correspond. Puis en fait, on s'aperçoit qu'on va aller beaucoup plus loin, au bout du compte, Hélène Blais. On ne va pas s'arrêter à cette pérégrination hivernale des Arabes nomades, des pays barbaresques et des Berbères voilés. En fait, chaque officier va avoir sa limite, et notamment la limite méridionale, hein, sa limite méridionale de l'Algérie. Et la conquête fonctionnant sur le mode du front pionnier, hein, à chaque fois, il y a des justifications géographiques, ethnographiques à la nouvelle limite qui est tracée donc de 1840 jusque là, au début du XXe siècle. Hein, la limite change, elle est retracée, elle est négociée. Même avec les Français eux-mêmes, hein, de l'autre côté, puisque ça va être bientôt avec les territoires de l'Afrique occidentale française qu'il va falloir délimiter les frontières. Ce territoire, je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis exactement à la même période, cette question de la nouvelle frontière que l'on repousse toujours un peu plus loin jusqu'à retrouver l'océan Pacifique pour les Américains, pour les États-Unis, mais pour nous, c'est retrouver le reste des conquêtes que l'on va faire par l'ouest, donc en venant du Sénégal en particulier et de ce bassin donc atlantique. Oui, alors il y a des comparaisons possibles. Ce qui est étonnant dans le cas de cette conquête saharienne, hein, c'est que la résistance, elle vient à la fois des populations locales et notamment des Touaregs, mais aussi des troupes françaises, alors qui pour des raisons historiques sont des troupes de marine, hein, qui vont s'opposer très fortement à l'avancée des troupes des territoires, de ce qu'on appelle alors les territoires du sud, des troupes françaises en Algérie. Et donc, il y a aussi une petite bataille interne aux colonisateurs. Aux colonisateurs, tout à fait. من ريح الداهم الوعد ادانا وردنا في بحر المحيط لاحنا ما يعلم من غير ربنا وسحب جا غطاهم نتفكر ونقول ما كتر ديك الليلة تقول شي شهار حتى حد ما جاب الخبر حتى حد ما جاب الخبر وانا ما ننساهم un extrait d'un titre d'Abdelmanel El-Arachi, donc Inoujoum Felil, un titre de Chaabi. Donc nous sommes toujours avec Hélène Blay dans cette première émission de la Fabrique de l'Histoire de cette semaine consacrée à l'histoire de l'Algérie. Nous sommes autour de la cartographie coloniale avec l'auteur donc de Mirage de la carte, l'invention de l'Algérie coloniale chez Faya. Vous me disiez donc à l'instant même avant ce titre qu'on essayait de tracer des lignes et des frontières linéaires à l'européenne dans ce territoire algérien si complexe à appréhender pour les colonisateurs. Mais évidemment, ça ne va pas marcher parce que ces frontières vont être constamment bafouées par les habitants du territoire. Alors, ces frontières, effectivement, quand on commence à travailler sur les archives de commissions frontalières, on se rend compte que ce sont les lieux, par définition, hein, où se jouent toutes les tensions propres à la société coloniale et où se manifestent aussi les illusions, hein, d'où ce terme de mirage, hein, d'un contrôle du territoire et de ses frontières. Hein. Même avec un mur, ça ne fonctionne pas, on le sait. Et de l'invention des identités aussi. Et tout à fait. Alors, ce que l'on voit notamment sur la zone frontalière entre la province de Constantine et la Tunisie, c'est qu'il y a des passages quotidiens qui sont liés à la vie des populations dans ces lieux-là. Des passages qui sont parfois réprimés parce que considérés comme des transgressions. Et ce que l'on voit apparaître à ce moment-là en Tunisie, c'est que lorsque des Algériens qui ont passé la frontière sont attrapés parce qu'ils ont commis, par exemple, un délit sur le territoire algérien. Ils sont remis aux autorités algériennes avec cette formule « on a trouvé des Algériens, ils sont à vous ». C'est tout à fait intéressant parce que c'est le moment où apparaît le terme d'Algérien, puisque pour l'administration coloniale en Algérie, ce ne sont que des indigènes, hein, selon la dénomination. Donc, ce que l'on voit, c'est que l'identité est reconnue par la transgression de la frontière. Alors, il y a tout de même un passage fort intéressant, un très long chapitre que vous consacrez dans Mirage de la carte, l'invention de l'Algérie coloniale, un sujet qu'on avait déjà traité avec vous il y a quelque temps dans la Fabrique de l'Histoire. C'est la coopération des populations sur place à l'établissement de ces cartes. Vous expliquez que on fait les prisonniers, que ces prisonniers on les met à contribution, que les militaires leur demandent, comme le capitaine Henri Bissuel à ses prisonniers Touareg, par exemple, de dire, voilà, est-ce que vous pouvez m'écrire sur une carte, sur un papier, vous pouvez me dire d'où vous partez, où vous allez, par où vous passez, quels sont vos itinéraires, et qu'à partir de là, on va établir une carte. Une question qu'on se pose toujours dans ces cas-là, c'est à qui fait-on confiance? Est-ce que ceux qui vous donnent les informations sont véritablement loyaux par rapport à ce que vous leur demandez, mais ils sont vos prisonniers, donc c'est assez complexe. Et cela, vous la posez, cette question, Hélène Blay? Oui, ben nécessairement, parce que la carte de l'Algérie, à mesure en plus que le territoire sous domination s'agrandit, qu'il est immense, hein, est une carte qui est essentiellement une carte par renseignement, comme on disait de manière très elliptique à cette époque-là, hein, c'est-à-dire que c'est une carte qui est dressée par la collecte d'informations auprès des populations locales, hein, c'est ce que certains historiens des savoirs nomment le savoir vernaculaire, avec toutes les précautions qu'il faut prendre sur ce terme. Et quand on voit effectivement des topographes interroger, alors le terme de coopération n'est pas forcément le plus adéquat, parce qu'on est souvent dans la forme de l'interrogatoire, interroger des populations sur la connaissance qu'ils peuvent avoir de leur territoire, sachant que la carte mise par écrit, le dessin, n'est pas forcément la manière de se repérer dans l'espace. Donc, en faisant faire ce geste, notamment, de la carte reproduite sur le sable, on le voit avec ce capitaine Bissuel qui va dresser des cartes de l'Adrarnet dans le sud-saharien en interrogeant des prisonniers. On connaît les passages où Duverrier, l'explorateur Duverrier, raconte comment il fait dessiner dans le sable aussi au Cheikh Othman une carte de son territoire qui est ensuite captée, redessiné. Parce qu'il y a tout de même que les topographes français qui savent faire une carte intelligible pour les Français. C'est comme ça qu'ils le perçoivent en tous les cas. Oui, alors ça c'est aussi un des grands question que l'intelligibilité de ces cartes. Hein, savoir vernaculaire, il est difficile à saisir. Enfin, les modalités de sa collecte sont difficiles à saisir parce que on raconte très peu comment ça s'est passé. Mm-hmm. Mais il apparaît sur les cartes et il apparaît notamment dans tous les lexiques, hein, qui accompagnent ces documents et qui sont là une caractéristique de cette cartographie coloniale qui dit bien la nécessité de transcrire, d'avoir des traductions permanentes. Alors, pour les termes géographiques qu'on évoquait tout à l'heure, Krebs, Erg, Sepka, Regnou. Mais aussi parce qu'en Algérie, il y a plusieurs langues. Et on le voit très bien avec la Périne dans le Sahara et les territoires du Sud. Hein, lui milite contre l'arabisation de la carte du Sud saharien en disant que mettre des noms arabes n'a pas de sens. Ce sont des termes touareg hein, qu'il faut retranscrire. Et donc il y a un débat qui peut sembler un débat de spécialistes, mais qui rend compte très précisément de ce recours aux informateurs et justement de la confiance que l'on peut accorder ou pas, suivant que les gens sont du lieu ou d'un peu plus loin. Oui, effectivement, dans un moment de domination et de conquête, parce que c'est aussi cela qui est important, c'est-à-dire, est-ce qu'on obtient ces renseignements par contrainte, sous la torture, en les emprisonnant, par don ou par contre-don, est-ce qu'ils sont valides si on les achète, ces renseignements, d'une manière ou d'une autre? C'est une question que doivent se poser aussi ceux qui font les cartes. Oui, oui, ils se la posent, ils demandent même des crédits à l'administration militaire pour pouvoir rémunérer les informateurs, ce qui n'a jamais été prévu dans les textes et qui ne sera jamais officiellement reconnu. Mais il y a évidemment une résistance hein, à cette collecte qui peut se deviner aussi sur des croquis qui transcrivent de manière phonétique hein, des « je ne sais pas » ou même des formules beaucoup plus méprisantes hein, qui ont été les réponses des informateurs aux topographes demandant le nom du lieu. Merci beaucoup Hélène Blé. Je sais que si on veut en savoir plus sur cette question de la cartographie coloniale, il faudra se plonger dans votre livre, toujours disponible chez Fayard, paru il y a 5 ans maintenant, je crois. Mirage de la carte, l'invention de l'Algérie coloniale dans la collection Les preuves de l'histoire. Et puisque nous parlions d'enquête, enquête des colonisateurs auprès des colonisés, eh bien, notons qu'à l'École normale supérieure où vous enseignez, donc, il y a 3 jours d'histoire cette fin de semaine, jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6. Tous les auditeurs sont évidemment conviés s'ils veulent venir voir sur autour de ce thème de l'enquête, l'enquête hier et aujourd'hui avec Claudine Cohen, Raphaël Branche, Anna Siméan, ça sera jeudi. Une conférence de Javier Cercas, l'auteur que l'on connaît bien à la Fabrique de l'Histoire. Vendredi, un débat sur savoir et pouvoir avec entre autres Marie Dejoux et Pierre Carilla Cohen. Et vendredi soir, une très grande conférence de Timothy Brook. Je conseille tous nos auditeurs qui ne le connaissent pas de venir écouter Timothy Brook. Ou encore samedi, une conférence de clôture de Nicolas Offenstadt, les formes de l'enquête. C'est donc à l'École normale supérieure pendant 3 jours en fin de semaine. Merci à vous Hélène Blé d'être venue aujourd'hui. Merci Emmanuel. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Jean-Frédéric était à la technique aujourd'hui avec nous et Séverine Cassard à la réalisation. Yeah.